est décollé, il n'est pas diminué. Parce que la décollation, à la fois, elle nous multiplie. Hein, on était un, on est deux, donc on est à la fois diminué et augmenté, mis en morceaux, mais aussi peut-être éloigné enfin de cette unité biographique, psychologique, qui fait que David est David et seulement David, tandis que Goliath est déjà autre chose, un puzzle, mais un puzzle que nul ne voudrait rassembler pour avoir une image unique et peut-être fade. Donc ambiguïté du rapport de Caravage à la décollation, à la manière de la montrer. Caravage pince tableau en 1610, on l'a dit, il ne reviendra pas, il va mourir lors de cette tentative de retour d'exil qui tourne court et mal. Mais plus profondément, on pourrait dire, à le regarder stupide et hagard dans ce tableau, et sans doute agonisant dans la vie, puisque la mort a fait ressemblant, et la mort de Caravage, c'est quelque part sur un rivage, seul, son corps jeté dans une fosse commune, eh bien la mort a fait ressemblant, et si Caravage ne reviendra pas à Rome, ne reprendra pas sa carrière, n'aura pas la grâce, on peut dire surtout qu'il n'en revient pas. Et c'est sans doute cela la fin dans cette peinture, et pour qui la regarde, ne pas en revenir. Alors, si vous ne connaissez pas le tableau, vous savez qu'il y a tout à votre disposition à la page de l'émission Notre Jour est possible, et donc un lien pour voir cette toile, David tenant la tête de Goliath. En deuxième partie, on parlera d'une exposition qui a lieu en ce moment à Paris, à l'exposition Jacques Marandré, de Giotto à Caravage. Et je serai donc avec Mina Grigori. Et là, Olivier Vickers, on peut voir trois tableaux de Caravage. Un tableau de ses débuts, un autre tableau à une époque où il était déjà bien installé, et puis un de ses derniers tableaux, une de ses dernières toiles. Un mot à propos de cette collection, de cette exposition ? Eh bien, je crois que c'est très légitime de rendre hommage à Roberto Longhi, à son goût et à son rapport au Caravage. On en dira sans doute encore un mot cette semaine, mais Roberto Longhi, en 1959, vient à Paris, saute dans un taxi, va en taxi jusqu'à Rouen, ce qui est une manière déjà un peu inhabituelle, mais comme l'art nous rend mobile, pour reconnaître, authentifier la flagellation du Christ, tableau qui figure au Musée des Beaux-Arts de Rouen, et qui n'était pas totalement authentifié comme Caravage, qui était... comme le corps de Caravage a pu être mélangé dans une fosse commune avec des ossements anonymes, mélangé dans le tout venant de la peinture italienne du XVIIe. Et Longhi demande une échelle, une éponge, monte à l'échelle, se rapproche du tableau, passe l'éponge le long de l'oreille du Christ, un peu comme enfant nous apprenions que voilà, qu'au bord de la croix, un légionnaire avait tendu une éponge pleine de vinaigre au Christ pour voir s'il était mort. Et reconnaissant cette marque typique, et c'est le cas de le dire à propos d'une marque de Caravage, c'est-à-dire ces incisions que le peintre faisait dans la toile avec un stylet ou peut-être le manche de son pinceau, Longhi authentifie le tableau comme étant un Caravage, et ce qui peut nous fasciner comme auditeurs d'aujourd'hui, habitués à ce que ce nom de Caravage nous évoque, le génie, la célébrité, en 59... finalement, un musée français peut posséder un Caravage sans s'être jusque-là mis en situation d'absolument attester que c'était un Caravage. Un Caravage va connaître une éclipse très longue au 18-19e siècle, et c'est notre modernité qui le réinvente, et je pense qu'il est intéressant au cours de cette semaine de se demander pourquoi nous, modernes, nous croyons connaître Caravage, quand d'autres l'ont oublié, voire même qu'est-ce qui nous fait penser que nous le connaissons mieux que ses contemporains, mais ça c'est un des travers de la postérité, juché sur les épaules des autres époques qu'elle croit la dominer. Une élève de Longhi, qui tient justement la fondation Longhi en ce moment à Florence, Mina Grigori, dans un instant sur France Culture. À demain, Olivier Vickers. Mais à demain. Notre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Changement de décor, mais on ne change pas de sujet, on continue à parler du Caravage. Mais là, on se trouve au musée Jacques Marandré pour l'exposition de Giotto à Caravage, Les Passions de Roberto Longhi. Exposition qui a lieu jusqu'au 20 juillet, donc vous avez le temps de voir une exposition qui s'ouvre justement avec les œuvres du Caravage. Et je suis avec la commissaire générale de l'exposition, Mina Grégory, bonjour. Bonjour monsieur, je suis très contente d'être ici parmi les tableaux de Caravage et le souvenir de Roberto Longhi qui a été vraiment le découvreur de ce grand maître et de toute la tendance réaliste du XVIIe siècle. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art, spécialiste du Caravage, que vous êtes présidente de la Fondation Roberto Longhi pour l'étude de l'histoire de l'art à Florence. Vous êtes l'élève d'ailleurs de Roberto Longhi. Mais avant de parler de sa collection, d'abord ces trois tableaux du Caravage qu'on peut voir ici dans cette exposition. Oui, ce sont trois tableaux d'époques différentes et qui font connaître différentes expressions et qualités de l'art, de la peinture, du Caravage. On voit ici il ragazzo morso dal ramarro, c'est un garçon qui réagit avec force, car il y a un animal qui va le prendre avec le doigt qui est pris, et alors il retraite sa main. Oui. Ça s'appelle garçon mordu par un lézard. D'ailleurs, quand on dit garçon, il faut bien voir. Hein. Oui. Et alors, c'est ça très intéressant que le Caravage a découvert aussi la beauté des jeunes garçons. Et ici, c'est un exemple merveilleux. C'est curieux, le garçon avec une fleur sur la tête, qui est vraiment un peu drôle, je dois dire. Un peu ambigu, déjà. Ah, oui, un peu ambigu, oui. Voilà. Alors ça, c'est une œuvre, des débuts du Caravage. Ah, oui, c'est une œuvre du début du Caravage, tandis qu'après, il a travaillé surtout sur les ombres et la lumière, et alors les fonds sont devenus plus fonds, plus obscurs, et il a trouvé un contraste plus fort, et qui est vraiment incroyable, et qui a été repris par les peintres caravagesques du siècle et encore plus tard. L'autre tableau, ça c'est un tableau où on reconnaît tout de suite le Caravage, ça s'appelle le couronnement d'épines parce que c'est un tableau où le Caravage est déjà installé, j'allais dire, dans ce qui fait sa force. Oui, c'est ça. Et vous voyez, il y a un contraste très fort entre le corps, la nudité du Christ et aussi la demi-figure au premier plan et les deux figures au fond. Et alors un contraste qui est surtout de lumière et d'importance naturellement qui est donné à travers la lumière. Et on voit bien que le Christ est illuminé, tandis que les soldats là, qui représentent un peu la domination, qui le menacent, qui sont là au-dessus de la figure du Christ, eux sont dans le sombre. Oui, ils sont dans le sombre, ce sont les deux soldats, et aussi l'homme avec au dos, avec le dos qui est reproduit et qui va lier les mains du pauvre Christ. Vous voyez, il y a la réaction formidable de la main qui a été étroite. Voilà, tous. Et puis enfin, on va terminer par ce troisième tableau du Caravage qui ouvre cette exposition au musée Jacques Marandré de Giotto à Caravage. Oui, ça c'est aussi spécial vraiment, car il y a cet usage de l'ombre, mais vous voyez que aussi l'ombre a une intention d'obscurer des parties qui ne sont pas à montrer. Alors on a fait un usage de l'ombre, de la lumière qui est pas seulement naturaliste, mais aussi des concepts, des... Ça s'appelle Amour endormi, ça date de quelle époque? C'est un des derniers tableaux du Caravage, et où elle est arrivée à cette ce contraste de la lumière sur l'obscurité qui domine naturellement le tableau. Et encore, vous voyez qu'il ne cherche pas de rendre beau le garçon. Ragazzo, qui est vraiment, n'est pas beau sur la tête. Et aussi, le petit corps, un corps qui est pris sans le idéaliser. Par exemple, le ventre n'est pas idéalisé. Et vous comprenez, et aussi les deux jambes sont vues dans la lumière et l'ombre. Alors, mais il y a un résultat qui est formidable, qui est tout à fait nouveau en comparaison du Renaissance, de la Renaissance, de ce qu'on avait peint en avance. Qui est Roberto Longhi? Roberto Longhi était un grand historien d'art et critique. Ce sont les deux choses qu'il faut considérer, qui a commencé dans les deuxièmes décennies du XXe siècle, à considérer la peinture du passé à travers les expériences de l'impressionnisme, de la peinture moderne. Ça qu'il disait toujours, qui est très important, de juger, étudier la peinture du passé à travers les expériences modernes. Mais surtout, c'est lui qui a identifié ce premier tableau de Caravage. Oui, naturellement, car il était grand connaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, connaisseur? C'est une définition qui pouvait être donnée aussi pour Bergson et pour Longhi. C'était des yeux extraordinaires qui étaient capables de reconnaître dans une minute le nom de l'artiste qui avait peint le tableau, et qui était quelque chose qui était plus sûr que le document, car vraiment lui pouvait donner l'impression et comprendre les informations qui donne le tableau. Et pour vous, bien sûr, vous dites qu'il n'y a aucun doute, parce que ce tableau-là, qui est un tableau assez particulier, hein, le garçon mordu par un lézard, comment Roberto Longhi en a-t-il conclu que c'est un tableau du Caravage, un des premiers tableaux du Caravage? Comment il l'a trouvé? C'est quoi l'histoire de ce tableau? Mais écoutez, il connaissait déjà naturellement tout le parcours du Caravage. Il a vu qu'il y avait cette lumière claire, que le fond clair, par exemple, qui était seulement des choses de jeunesse. Et alors, il a commencé à dire avec ça. Et encore, il y avait la position du corps, les formes qui la lumière fait sur le corps, comme sur l'épaule par exemple, qui est tout à fait spéciale et qui correspond à la nouveauté du Caravage. Et où a-t-il trouvé cette toile, Roberto Longhi? Je pense qu'il a trouvé ça à Paris, mais il a dit quelque chose, mais je n'ai pas lui demandé quelque chose de plus en détail. Mais je pense qu'il a acheté ça, il a trouvé ça à Paris. Mina Grigori, est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, il y a d'autres toiles du Caravage qui sont dissimulées quelque part, qu'on n'a pas retrouvées, qu'on n'a pas identifiées encore? Je voudrais bien ça, mais je pense qu'on a déjà cherché presque partout, peut-être dans une collection particulière, pas connue, on pourrait trouver quelque chose. Mais c'est toujours plus difficile. Alors, pour parler des autres artistes, des autres toiles exposées au musée Jacques Marandré, de Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi, est-ce qu'on peut dire que tous les autres artistes exposés, ceux qui étaient là avant le Caravage ou ceux qui sont venus après et influencés par lui, ont quelque chose de caravagesque? Écoutez, non, ça, je ne voudrais pas dire ça, mais il faut, avec ces deux noms, de Giotto à Caravage, faire connaître quels ont été les intérêts de Longhi, qui a commencé avec le Caravage et le Caravagesque, mais après il a fait connaître aussi et a étudié aussi, par exemple, les primitifs, où il a donné des contributions extraordinaires, et sur la Renaissance. Et ça veut dire qu'il a eu un parcours bien plus long de celui de Bernard Berenson, qui était surtout intéressé par la Renaissance. Pour Longhi, il y a cette ouverture vers le 600 qui est l'ouverture vers la modernité. Alors dans cette exposition, ce qu'on peut voir, c'est effectivement, outre, ça commence par le Caravage, on voit des peintres qui ont été marqués à l'époque où le Caravage faisait sa révolution, si je puis dire, à Rome, mais là on peut voir qu'il y avait déjà d'autres écoles. On se rend compte que le Caravage a été, par exemple, influencé par une école vénitienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On parle d'école vénitienne car on voulait entendre du nord de l'Italie, car auparavant on pensait que toute l'Italie du nord était, de toute l'Italie du nord, la position plus importante et répandue, c'était celle de la peinture vénitienne. Tandis qu'avec les découvertes des Caravage et des artistes qui ont préparé aussi Caravage, on a compris que la Lombardie avait, elle aussi, ce n'était pas une province secondaire, mais qui avait dans ses principes des nouveautés qui on pouvait évoluer et pour trouver une rue nouvelle. Merci beaucoup, Mina Grigori. Je vous rappelle que vous êtes historienne de l'art. Je rappelle aussi surtout que vous êtes la présidente de la Fondation Roberto Longhi pour l'étude de l'histoire de l'art à Florence. Et c'est cette fondation qui organise avec le musée Jacquemart André cette exposition qu'on vous recommande vivement, de Giotto à Caravage. Vous avez le temps, c'est un lieu magnifique, et quand je dis que vous avez le temps, puisque on peut voir donc les œuvres du Caravage et des peintres exposés dans le cadre de cette collection de Roberto Longhi, ce grand explorateur de l'art italien, jusqu'au 20 juillet. Merci beaucoup d'avoir de nous avoir accordé cette interview dans les lieux mêmes et entouré de trois œuvres, trois tableaux du Caravage à trois époques très différentes. Mais merci à vous qui vous avez montré cet intérêt pour notre grand peintre et qui a permis de le faire connaître à Paris, ce que nous voulions depuis longtemps et qui s'est avéré maintenant. Merci, merci mille fois. Notre série consacrée au Caravage continue. On se retrouve demain. C'était Un autre jour est possible. Merci de votre fidélité. Bonne matinée.